إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أحبتي في الله، عباد الله، ما زلنا في شرح حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أربعون إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في طعمة. فهذا حديث عظيم، كما ذكر العلماء والشراح هذا الحديث. هذا حديث عظيم جدير بكل مشتغل بالتجارة قلت أو كثرت أن يتأمله وأن يكون نصب عينه، كما ذكرنا هذا في الخطبة السابقة. عباد الله، وقد يبتلى الإنسان عندما يدخل باب التجارة ويمتحن، هل يحافظ على الأمانة أو يضيعها في سبيل أن يحصل مالا أو شيئا من حطام الدنيا؟ فكثير من الناس يسقط في هذا الامتحان ويضيع الأمانة في سبيل أن يكسب مالا أو عرضا من عرض الدنيا ومتاعها الزائل. ولهذا هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما عليك ما فاتك من الدنيا، ما فاتك من الدنيا. والخلق أو الأدب الأول الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو حفظ الأمانة، وتقدم الكلام في الخطبة السابقة. والثاني قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صدق حديث، أي أنه لا يكذب، التاجر لا يكذب بل يحافظ على الصدق، وعندما يحدث الناس في بيعه وشرائه دائما يكون صادقا. إذا قال لهم هذه البضاعة جديدة فهو صادق في كلامه، وإذا قال هذا النوع أصيل يكون صادقا في كلامه، وإذا قال لهم هذا من اليوم وليس من الأمس يكون صادقا في كلامه. يقول في نفسه: ماذا يغنيني أو يغنيني إذا كسبت من هذا يورو أو عشرة أو ألفا أو أكثر، وضاع مني خلق الصدق وأصبحت كذابا. وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. مؤمنا بأن المؤمن يؤمن بأن الرزق بيد الله عز وجل، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث عظيم عن حكيم ابن حزام رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال، واسمعوا إلى هذا الحديث: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما، متفق عليه. بخلاف حال من تفسد أخلاقيته مع ممارسة البيع والحرص على الدنيا والمكاسب، فيبتلى بصفقات معينة يجد نفسه منساقا إلى الكذب فيها، بل ربما يحلف أيمانا مغلظة، بل ربما هذا التاجر يحلف أيمانا مغلظة. وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله، لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. وذكر منهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم المنفق سلعته بالحلف الكاذب، فيبيع الصدق ويصبح كذابا من أجل اكتساب شيء من الدنيا ومتاعها الزائل. الأدب الثالث، قال صلى الله عليه وسلم: حسن خليقة، أن يعامل الناس بالأخلاق الحسنة وبالآداب الكريمة. المشتغل بالتجارة والبيع والشراء يشاهد من أصناف، فليحافظ التاجر المسلم على هذه الركائز الأربعة، ولا يضيع منها شيئا، ولا يضيع منها شيئا، وليحذر من الشيطان والنفس الأمارة بالسوء، فهو ميدان تمحيص للأخلاق. ولا يضر المرأة ما فاته من الدنيا ما دام محافظا على هذه الركائز، كما تقدم في وصية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه سيفوز بالعاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة. وعن جابر بن عبد الله في حديث عظيم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، رواه البخاري. وقال الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث: وفيه الحض على سماحة في المعاملة، على السماحة في المعاملة واستعمال معالي الأخلاق وترك المشاحة، والحض على ترك التضييق على الناس في المطالبة وأخذ العفو منه. وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في معاملته وبيعه وشرائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا قال في هذا الحديث العظيم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. وهكذا يكون المسلم، فعلى العبد عندما يستريب في أمر أو هو من الحلال البين أو من الحرام البين، أن يدعه ويتورع عنه، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دع ما يربك إلى ما لا يربك الحديث. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم وللمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، chaque croyant, chaque croyante, on va continuer aujourd'hui par la grâce d'Allah, et ça fait partie des bienfaits de notre Créateur de pouvoir évoquer son nom et se rappeler des récits de notre noble prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa ala alayhi wa sallam. Donc dans cette deuxième partie, comme on avait promis, on va parler du comportement du commerçant. Donc beaucoup de musulmans commercent, ils vendent et achètent. Certains en ont fait leur métier et ils vivent de cela. Et parfois le musulman fait cela de manière occasionnelle. Et donc chaque croyant et chaque croyante est amené à acheter, à vendre. Sauf que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné les nobles moralités et les bons comportements à conserver et ne pas se faire avoir par l'appât du gain, comme on dit, et délaisser ces nobles comportements. Pour ça, dans un hadith immense, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a cité quatre choses. Il faut être conscient, apprendre ces quatre choses, et lorsqu'on achète ou on vend, il faut toujours avoir en tête de préserver ces quatre choses. Dans ce hadith immense, ce prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quatre choses. Si ces quatre choses sont en toi, alors tu n'auras rien perdu des gains de cette vie d'ici-bas. Ce qui t'a échappé comme gain, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, cela ne sera pas une perte pour toi, tant que tu préserves ces quatre choses. On a dit la première chose qu'on avait évoquée la fois dernière, hifdhul amana, le fait de tenir le dépôt. En d'autres termes, le fait d'être digne de confiance. Alors même si on est amené à commercer avec une personne qui n'est pas digne de confiance, qui triche et qui n'est pas honnête, lui, le musulman, ne tombe pas dans ces formes de mauvais comportement. Ni il triche, ni il trahit le dépôt. Et il faut toujours garder cela en tête. Dans la deuxième chose qu'a cité dans ce récit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, après avoir cité « Hifdh al-amana », il dit « Sidqu hadithin ». Le fait d'être véridique. Lorsque l'on vend ou lorsqu'on achète, il ne faut pas mentir. Quel que soit le gain, minime ou grand, le croyant ne ment pas. Il doit rester honnête et véridique. Pourquoi ? Parce que les savants nous enseignent, par rapport à ce récit du prophète, que ce qui est plus important pour le croyant et la croyante, c'est de préserver son bon comportement. Et en aucun cas, il va vendre son comportement pour le gain, pour al-makasib, ou pour l'argent. Son capital à lui, c'est son bon comportement. Et parmi les nobles moralités, le fait d'être véridique, le fait d'être honnête, le fait de dire la vérité, quoi qu'il en soit. Le fait de dire la vérité. C'est pour cela que dans l'explication de ce récit, les savants nous enseignent. Si un commerçant dit « cette marchandise est nouvelle, elle doit être nouvelle », il ne ment pas. Si cette marchandise est dit « elle est de ce jour », alors elle doit être de ce jour. Certains disent « ça c'est d'aujourd'hui », alors qu'en réalité c'est pas d'aujourd'hui. Il ment. Il n'est pas sincère. Il doit dire la vérité. Si sa marchandise, par exemple, c'est une marchandise où les jours sont comptés, si elle date de 2 jours, de 3 jours, il le stipule. Et il le dit. Pourquoi ? Parce que pour lui, l'honnêteté, les nobles moralités auprès d'Allah Azzawajal, c'est plus important que le gain. C'est pour ça que le prophète Ansem nous dit les quatre choses. Si on les a en nous et on les pratique, alors rien ne nous échappera. On va rien perdre en réalité de cette vie. D'ici-bas, on a tout à gagner. Pourquoi ? Parce que ce qui est demandé aux croyants, c'est de conserver. Mais les savants nous disent à l'explication de ce hadith, beaucoup de musulmans et de musulmanes sont éprouvés lorsqu'ils commercent. Il y en a qui ont des bons comportements, mais lorsqu'ils commercent, là, ils sont éprouvés. Il ne faut pas parler d'argent avec eux. Si tu rentres dans le domaine de l'argent et du commerce avec lui, alors même certains aujourd'hui le disent normalement. Tu sais mon frère, lorsqu'on parle d'argent, on n'est pas à la mosquée. Et il y en a, ils s'en vantent, subhanallah. Ça veut dire que toi, tu ne crains pas Allah Azza wa Jal pour un gain. Même si c'est un grand gain que tu as peur de perdre. Tu ne préserves pas ton comportement. Tu ne fais pas attention et tu ne te rappelles pas que Allah Azza wa Jal te voit, t'entend. Et que certains comportements peuvent mettre en colère notre créateur subhanahu wa ta'ala. À l'époque des compagnons du prophète, sallam, il y en a qui embrassaient l'islam juste en regardant le bon relationnel et les bonnes moralités, le bon comportement des compagnons lorsqu'ils commerçaient, lorsqu'ils faisaient le commerce. C'est pour ça que ça c'est très important le fait d'être véridique. Alors la personne, quoi qu'il arrive, il ne ment pas. Car dans un hadith, le prophète sallam dit « Faites attention au mensonge, car le mensonge mène à la turpitude et la turpitude mène en enfer. » Et dans un autre récit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Il y a 3 catégories de personnes le jour de la rétribution Allah ni il ne les regardera, ni il ne les purifiera, une traduction relative, وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, et à eux un châtiment douloureux. Trois catégories de gens qu'Allah ne regardera pas. وَلَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ, il ne leur parlera point, il ne les regardera pas, وَلَا يُزَكِّهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Et parmi ces trois, le قال النبي صلى الله عليه وسلم المنفق سلعته بالحلف الكاذب, celui qui vend ses marchandises en mentant lorsqu'il jure. Il va jurer pour vendre. Wallah, elle est bien cette marchandise. Wallah, elle date d'aujourd'hui. Wallah, il n'y a pas de défaut. Il ne fait que jurer. S'il ment en jurant pour écouler sa marchandise, Allah Azza wa Jalla, le prophète sallam nous dit, il ne le regardera pas, il ne lui parlera pas, وَلَا يُزَكِّهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Il faut faire attention. On est tous amenés à commercer. On est tous amenés chaque jour à vendre, à acheter. Et il faut préserver sa bonne moralité, ses bons comportements. Parce que c'est un test pour nous. C'est un test. Et le bon croyant ne vend pas son honnêteté. Il ne vend pas sa crainte d'Allah Azza wa Jal pour un bien éphémère, un gain éphémère. Quelle que soit l'élévation de ce gain. Quelle que soit l'élévation de celui-ci. Pourquoi ? Parce que dans un hadith immense, Isma'u ila hadha al-hadith. Écoutez bien ce récit. Le prophète Hassan nous dit, Al-bayyani bil-khiyar ma lam yatafarraqa. Les deux, l'acheteur et le vendeur, ceux qui font une transaction, le prophète Hassan nous dit, ils ont le choix. Ils ont le khiyar. Ensuite, il y a une explication, fi bab al-tijara, wa fi bab al-bi'a, al-buyur, lakin, de manière relative, le prophète nous dit, alors, le vendeur et l'acheteur ont le choix tant qu'ils ne se sont pas séparés. Le prophète ensemble nous dit ensuite, فَإِنْ صَدَقَ وَبَيَّنَا مُثَنَا, c'est au duel. Et si les deux disent la vérité et clarifient tout, وَبَيَّنَا, ils disent tout, dans le sens ils ne cachent rien. Le prophète ensemble dit, بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا. Le prophète, regardez ce qu'il dit, si les deux disent la vérité, sans rien cacher, le prophète dit, il y aura la baraka, la bénédiction dans leur achat-vente. Par contre, le prophète sallam dit, wa in kadaba wa katama muhiqat barakatu bay'ihima. Par contre, si les deux mentent ou cachent des vices, ils cachent, ils font du vice, comme beaucoup, le prophète dit, alors se dissipera al-baraka. Il n'y aura pas de baraka. Même si ton gain est grand, al-makasib kabira ou kathira, il n'y aura pas de muhiqat al-baraka. Nous, c'est ce qu'on recherche, la baraka d'Allah Azza wa Jal. Le sujet, en réalité, est long. Il faut vraiment se faire ce rappel. Et quatrièmement, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt, troisièmement, le prophète a cité husn al-khaliqa. La troisième chose qu'il faut garder, c'est le bon comportement. Et là, les savants, pour être très rapides, ils disent que le vendeur, celui qui commerce, surtout celui qui en a fait un métier, alors il va côtoyer des gens qui, eux, sont dans la rafla, dans la distraction, dans l'insouciance, et parfois qui ont les pires comportements. Ils mentent, ils font des faux serments pour écouler leurs marchandises. Alors le musulman, il est amené à être influencé et être impacté par ces comportements qu'il côtoie tous les jours, chaque jour, à chaque moment. Les savants font le rappel, il faut faire très attention de ne pas être influencé, impacté, à force de côtoyer des gens qui mentent pour écouler leurs marchandises, des gens qui cachent, qui dissimulent les défauts de leurs marchandises, on est amené à yatasahal al-insan, à se laisser aller. Et donc parfois, à mentir, on s'en rend plus compte, c'est venu la routine et le quotidien des commerçants. Non. Le musulman ne participe pas à cela. Et quatrièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qala عِفَّةٌ فِي طَعْمَهُ أي أن يتعفف الطعام وذلك بالحرص على اكتساب الحلال والبعد عن الحرام والمتشابه. Et quatrièmement, le fait de préserver sa chasteté, dans le sens ici, c'est de toujours faire attention, يتعفف, dans le sens que son obtention est une obtention halal, de l'argent, que c'est le halal. Il fait toujours attention à cela. Le prophète nous dit, parmi les signes de la fin des temps, les gens ne feront plus attention. Ils feront plus attention. Est-ce que cela provient du halal ou bien du haram? C'est plus leur. Ça fait pas partie des choses pour leurs soucis. Il faut faire attention. Et je termine cela, je conclue, avec un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour conclure. Un immense hadith à méditer. Rappelez-vous de ces récits du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on vient de réciter. Dans un hadith de Jabir ibn Abdillah, un hadith immense, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il est rapporté par l'imam al-Bukhari, dans l'authentique de l'imam al-Bukhari. Les récits remontent véritablement et réellement jusqu'au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et les prières soient sur notre noble et bien-aimé prophète. Le prophète a dit, Rahim Allahu rajulan, samhan idha ba' wa idha ashtara wa idha qtara. Le prophète a dit, qu'Allah fasse miséricorde. C'est un dua, une invocation du prophète. Personne d'entre nous a le doute que les invocations du prophète Sam sont exaucées. Mustajab. L'appel du prophète, en somme. Le prophète dit qu'Allah fasse miséricorde à une personne qui est bonne, tolérante, clémente, lorsqu'elle vend, lorsqu'elle achète et lorsqu'elle est dans un litige devant un juge. Le prophète dit qu'Allah fasse miséricorde à celui qui est samhan. C'est celui qui est clément, qui est bon. C'est celui qui est tolérant lorsqu'il vend, lorsqu'il achète et même lorsqu'il est devant un juge. Alors qu'il a le droit, il a raison, il est samhan. Et celui qui arrive à être comme ça, le prophète a fait dua pour lui, Rahim Allahu rajulan, samhan idha ba' wa idha ashtara wa idha qtara, ya Rabb al-alamin, ya muqallib al-qulub, thabbit qulubana ala dinik, ya muqallib al-qulub, thabbit qulubana ala dinik, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutakabbala, اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والعنى اللهم إنا نسألك علما نافعا علما نافعا والعمل بهذا العلم يا غفور يا ودود اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وهمومنا اللهم قرب اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل اللهم إنا نسألك الصحة والعافية اللهم اشفنا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك